quitte le bendo, salam alek. Salam alek. Quelques textes à moi dans une mallette. Une bouteille d'eau pour m'allaiter. Aucune raison de m'emballer. Donc j'en bats les couilles. Tu sais que je dois faire belle. Non, j'esquive les douilles. Puis c'est à pied que je m'en allais. Odeur de peu, ça j'ai inhalé. J'suis au fin fond de Pas-de-Calais. J'balais quelques cailloux sur mon allée. C'est dommage. Sur moi, mais je cautionne que Dieu m'en soit témoin. Je les aime pas pour être honnête. Que des fils de qui me racontent des bobards. J'suis un beau soldat, dégradé l'os comme dans Shooters. Dois-je leur dire non, c'est trop tôt? Oui, c'est trop tôt. J'quitte le bendo, salam alek. Salam alek. Une bouteille d'eau pour m'allaiter. Aucune raison de m'emballer. Donc j'en bats les couilles. Tu sais que je dois faire belle. Non, j'esquive les douilles. Souvent mis à l'écart. Pourtant je me tiens à carreau. Je dois faire les choses carrées avant de finir en Bulgarie. C'est dommage. Ils passent sur moi mais je cautionne. Que Dieu m'en soit témoin. Je les aime pas pour être honnête. Non, on n'aime pas les fils de. Fils de. Dois-je leur dire non, c'est trop tôt? Oui, c'est trop tôt. J'quitte le bendo, salam alek. Salam alek. Quelques textes à moi dans une mallette. Une bouteille d'eau pour m'allaiter. Aucune raison de m'emballer. Donc j'en bats les couilles. Tu sais que je dois faire belle. J'ai quitté le bendo, qu'est-ce qui se passe?